paumé comme un haricot vert dans une boîte de conserve. J'imagine ce que j'aurais pu être. Et mannequin pis-pis, la tour Eiffel se fêle. Et moi j'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Mais c'est encore pas pour aujourd'hui que je dirigerai mon avenir. Oh, il faut vraiment que je me décide. Comme une patate dans sa purée, moi j'ai l'esprit embrouillé. Mannequin pis-pis, la tour Eiffel se fêle. Et moi j'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Il est grand temps que je me bouscule, mais pour l'instant je fais ce que Jacques a dit. Je fais même ce qu'il pense. Mon petit Jacques a dit de ma conscience. Et mannequin pis-pis, la tour Eiffel se fêle. Et moi j'attends depuis longtemps. J'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Et moi j'attends depuis longtemps. J'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Et mannequin pis-pis, la tour Eiffel se fêle.